Kanyangi. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition de la mi-journée du 14 mai. En voici le sommaire. 4 ans jour pour jour viennent de s'écouler. Des radios indépendantes ont fait objet d'attaques suite à la tentative de renversement des institutions à l'Association burundaise des radiodiffuseurs. L'on plaide pour l'accélération des enquêtes. Arrestation de 6 jeunes se réclamant du parti CNL en commune Gashikano de la province Ngozi. Ils sont accusés de tenue de réunions illégales. L'administrateur communal en appelle au respect de la loi. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes demande la mise en place d'un cadre juridique pour l'harmonisation et la simplification des procédures douanières. C'était ce mardi, au terme d'une audience avec le ministre burundais des Finances. En page santé, chronique plus tôt, vous aurez cette chronique sur différents virus pouvant infecter la peau et les muqueuses. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric et Dorine Ouimana. À la réalisation se trouve Francine Diokougaï. Oh bonjour, je venais de vous le dire, il y a 4 ans que quelques médias privés du Burundi ont fait objet d'attaques et d'autres détruites suite à la tentative de coup d'État du 13 mai 2015. Certains des journalistes de ces médias ont été contraints à l'exil. Ces médias sont la RPA, la radio Bonesha FM, la radio-télévision Renaissance, la REMA FM et la radio Isanganiro. Par la suite, les radios Isanganiro et REMA ont été réouvertes pour le président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs ABR. La justice devrait accélérer les enquêtes pour le reste des stations fermées. Je vous prie de le suivre. Nous attendons dans l'espoir que les 3 radios qui restent pourront un jour aussi voir leurs portes s'ouvrir. On ne sait pas, le temps nous réserve beaucoup d'autres choses, mais nous avons toujours l'espoir qu'un jour on pourra entendre encore une fois ces radios. Bon, ce que nous demandons sûrement à la justice, c'est de faire son travail pour que ces médias puissent encore une fois réouvrir, puissent encore une fois donner les informations qu'ils donnaient, parce que ces médias avaient ses propres auditeurs, comme tout médium a ses propres auditeurs, et ces auditeurs ont besoin de l'information en provenance de ces médiums. Il a été constaté que des fois même les dirigeants prennent des décisions partant des informations reçues à travers les radios. Donc vous comprenez que l'outil média, l'outil radio, c'est un outil important au niveau de l'information, au niveau de la communication, et ça aide dans beaucoup de choses, même dans la prise de décision, comme ça se fait voir partout. Onésime Harubuno, président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs ABR, au micro de Léonce Bitariho. En page politique, le parti UPRONA s'inscrit en faux contre toute tentative d'accéder au pouvoir par force. Selon le président de ce parti, Abel Gachatsi, depuis que le Burundi a accepté le multipartisme, la seule voie de conquérir le pouvoir reste le verdict des urnes. C'est au moment où, hier, 13 mai, les Burundais se rappelaient du coup d'État manqué de 2015. Pour lui, le coup d'État replonge le pays dans le mal. Suivez-le au micro de Aubin Nyonguru. Ces histoires de coup d'État conduisent toujours à des difficultés dans le pays, car après le coup d'État, il doit y avoir quand même des guerres civiles, des assassinats, et ce qui plonge le pays dans des difficultés, dans le chaos. Donc, au sein du parti UPRONA, on est contre ces histoires de coup d'État, car ça déstabilise le pays. Plutôt, l'UPRONA étant un parti qui a milité en faveur de la démocratie au Burundi, car avant 93, l'UPRONA dirigeait le pays, il a accepté l'avenir du multipartisme, il a participé aux élections de cette époque-là, il en a perdu, mais quand même, il a accepté le résultat des urnes, et c'est pourquoi l'UPRONA est contre celui qui veut prendre le pouvoir par force. Donc, toute personne qui désire diriger le pays doit passer à travers les élections, car la démocratie est déjà au Burundi. La démocratie est déjà installée, on doit la protéger, on doit la poursuivre, car on n'est pas pour le moment dans ces histoires de renversement, de prendre le pouvoir par force. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. L'administrateur de la commune Gachikano en province Ngozi appelle sa population à respect de la loi. C'est après l'arrestation de 6 jeunes qui seraient du parti CNL accusés de tenir une réunion illégale. Le représentant de ce parti dans cette commune nie cette accusation. Chitelet Christian indique que ces jeunes locataires du cachot de police judiciaire d'Ngozi depuis ce lundi étaient dans une fête familiale. Les précisions d'Apollinaire Muzagara depuis Ngozi. Ces détenus ont été transférés ce lundi après 7 jours d'incarcération au cachot de la police judiciaire de la commune Gachikan. Selon l'administrateur de cette commune, Jean-François Ndahiragije, ils ont été arrêtés en train de tenir une réunion sur la colline Ngoma sans autorisation des autorités habilites. De son côté, Christian Chiteretse, représentant le parti CNL dans cette commune, indique que ces jeunes venaient partager un verre dans une famille qui avait connu la veille une dot. Chose rejetée par l'administrateur de cette commune Gachikan. Jeanne-Françoise appelle plutôt au respect de la loi régissant toute tenue d'une réunion. Elle rappelle qu'une demande écrite est exigée à toute personne, qu'elle soit ou pas membre d'un parti politique, sous peine de sanctions. Cette autorité reconnaît le représentant du parti CNL au niveau communal, mais dit ne pas comprendre comment des réunions se tiennent au niveau des collines alors qu'elle n'a pas encore reçu des noms des représentants collinaires. Le responsable de ce parti dans cette commune demande de son côté la libération de ces personnes, particulièrement ses élèves, afin qu'ils terminent l'année scolaire qui touche à Saf Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Page économie à présent, l'Organisation mondiale des douanes dit être prête à collaborer avec l'Office burundais des recettes OBR dans le but d'améliorer la qualité et les prestations de ses services. Cela a été dit ce mardi par Kunio Mirukia, secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, après avoir été reçu en audience par le ministre burundais des Finances. Il demande au gouvernement burundais de mettre en place un cadre juridique pour l'harmonisation et la simplification des procédures douanières. Je vous prie de le suivre. Je viens d'avoir un entretien avec le ministre des Finances très positif parce que l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, a suivi et puis a accompagné l'OBR pour l'amélioration de leur opération. C'est pour cela que je voulais avoir approfondi notre coopération avec l'OBR et aussi le Burundi. Pour cela, j'ai demandé au ministre des Finances l'appui politique. Bien sûr, je sais que le ministère des Finances travaille étroitement avec l'OBR, mais souvent, la volonté politique et l'engagement politique se traduit en cadre juridique. Donc, c'est ce que je lui ai demandé. La convention de Kyoto révisée, c'est concernant la facilitation, c'est l'harmonisation et simplification des procédures douanières qui est nécessaire pour la visibilité de réforme. Parce que je dois parler à la communauté de développement pour avoir beaucoup plus de donateurs qui sont derrière moi, mais aussi je dois communiquer avec la commerce. Parce que, après tout, c'est pour le secteur privé. On améliore les procédures douanières. Pour cela, souvent, la communauté de commerce a besoin d'une vision et dans une manière très visible. Et c'est pour cela que je lui ai demandé que, d'abord, l'accord de facilitation d'échange de l'OMC, qui est en cours, mais quand même, on a besoin de la ratification. Mais en même temps, la convention de Kyoto révisée, c'est soutenir cet accord. Donc, je lui ai demandé de faire avancer ce dossier de ratification. Aussi, en ce qui concerne le partenariat avec le secteur privé, le dialogue, pourquoi pas nous utilisons cette plateforme informatique. Donc, c'est pour cela que je voulais bien travailler beaucoup plus étroitement avec l'OBR. Donc, c'est la suivi que j'ai besoin, disons, la volonté politique et le soutien politique. Puis, nous pouvons donner beaucoup plus de, disons, savoir-faire. Nous pouvons discuter avec d'autres communautés de développement pour avoir beaucoup plus d'appui de la part de la communauté internationale. Kunio Mirukia, c'est le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes. Parlons encore économie. Le projet de loi portant budget annuel de fonctionnement de l'État a toujours des lacunes. Certains membres de la Chambre basse du Parlement burundais l'ont dit ce mardi lors du commentaire avec le président de la Cour des comptes sur le projet de budget annuel exercice 2019-2020. Pour lever tout équivoque, les députés proposent un atelier d'échange pour dégager une loi organique non lacunaire. Le permis de conduire peut temporairement ou définitivement être retiré à son propriétaire selon des dispositions de l'ordonnance ministérielle de novembre 2018. Les mêmes textes prévoient une perte de points en fonction de la gravité de l'infraction au code de la circulation routière. En cas de cumul d'infractions, le nombre maximum à retirer de 40 points. La rétention et la suspension provisoire du permis ayant fait objet de nos éditions de ce lundi. La précision de Vestine Boutoui. Le retrait provisoire est prévu par l'article 12. C'est en cas de surnombre de personnes, d'excès de vitesse, de conduite sous l'emprise de la drogue, du délit de fuite, d'obstruction de la voie publique et de conduite pendant la période de suspension du permis de conduire. L'article 13 précise que le titulaire a le droit de repasser les tests théoriques et pratiques en vue d'obtention d'un nouveau permis de conduire. Le chapitre 5 de ce texte, en son article 14, parle du retrait définitif de ce permis. C'est en cas d'homicide volontaire ou tentative d'homicide volontaire, d'homicide involontaire avec circonstances aggravantes, de perte définitive de certaines capacités de conduite automobile. C'est également en cas de conduite pendant la période de retrait temporaire et de récidive aux infractions prévues dans le chapitre précédent. Et le chapitre 6 parle de l'attribution et de la gestion des points normalement de 100. Le titulaire d'un permis de conduire perd 5, 10, 15 ou 20 points. En cas de cumul d'infractions, le nombre maximum à retirer est de 40 points, comme le précise l'article 21. Quant à l'article 22, un permis de conduire qui perd la totalité de son capital des points est automatiquement invalidé et est assimilé au permis provisoirement retiré. L'invalidation pour la deuxième fois d'un permis de conduire est sanctionnée par son retrait définitif, précise l'article 23 de ce texte. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h09 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition quand un navire congolais amenant des marchandises n'a accosté au port commercial de Rumonge depuis ce lundi. C'est la conséquence du blocage des boissons de la Branhoudi dans ce port. Nous sommes à la troisième semaine. Les personnes dont la vie quotidienne dépend du mouvement dans ce port demandent que cette situation trouve rapidement solution. Les précisions de Jean-Pierre Misago. À part des bateaux de transport des marchandises qui viennent d'y passer plusieurs jours et un bateau qui y a accosté ce dimanche avec des casiers vides en vue de s'approvisionner en boissons Branhoudi, aucun autre bateau n'a accosté dans le port commercial de Rumonge ce lundi comme on en avait l'habitude. Sur place, trois dockers visiblement désœuvrés, assis sur des troncs d'arbres en provenance du Congo voisin et exportés via le port commercial de Rumonge pour fabrication des colorants, explique que les bateaux congolais ont cessé d'accoster dans ce port puisque selon eux, les principales marchandises qu'ils cherchaient au Burundi, c'est-à-dire les boissons de la Branhoudi, sont bloquées depuis bientôt trois semaines. Les exploitants des bars et restaurants des environs de ce port eux aussi se lamentent. Il en est de même des commerçants du marché central de Rumonge qui disent que la farine de blé et de maïs qui étaient achetées principalement par les Congolais accusent actuellement une mévente et tous demandent que cette situation trouve une solution avant qu'il ne soit tard. Les autorités concernées par cette question à Rumonge préfèrent ne pas s'exprimer sur la voie des ondes, même si certains d'entre eux disent que la question est en train d'être traitée. 3200 casiers contenant des boissons Branhoudi sont bloqués dans ce port depuis bientôt trois semaines. Une mesure mise en exécution par le service national de renseignement à Rumonge, car selon des sources à ce service à Rumonge, les propriétaires de ces boissons n'avaient pas de licence d'exportation. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago en page sécurité. Un groupe de bandits armés s'observe dans le quartier B de la zone urbaine de Wouterere 2. Le chef de quartier indique qu'il a soumis cette question à ses supérieurs, tout en précisant que cette situation a commencé à se manifester lorsqu'une position militaire a été délocalisée dans ce quartier. Les détails de l'IS, Inina Hazoué, stagiaire à la radio Isanganiro. Ces habitants du quartier B de la zone urbaine Wouterere 2 indiquent que ces bandits armés ont commencé à piller les biens de la population la semaine écoulée. Ils défoncent les portes avant d'entrer dans les maisons, explique-t-il. Selon ces habitants, cette situation serait due à la suppression des positions militaires dans ce quartier. Masumbuko Amadi, chef de quartier B de Wouterere 2, fait savoir qu'il a soumis cette question à ses supérieurs. Dans le but de lutter contre ce banditisme, ce chef de quartier et la population de la zone urbaine de Wouterere 2, tous demandent aux responsables de forces de sécurité de réinstaller cette position policière. L'IS, Ninina Hazoué, stagiaire à notre station. Je vous l'avais annoncé en titre que vous alliez suivre la chronique santé sur différents virus pouvant infecter la peau et les muqueuses. Vous voudrez bien nous excuser, nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Elle n'a pas pu être prête. À 13h, 13 minutes dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition, mais je vous en rappelle les grands titres. 14 mai 2015, 14 mai 2019, 4 ans jour pour jour viennent de s'écouler après que les radios indépendantes ont fait objet d'attaques suite à la tentative de renversement des institutions et à l'Association burundaise des radiodiffuseurs ABR. L'on plaide pour l'accélération des enquêtes au niveau de la justice. On a également parlé de l'arrestation de 6 jeunes se réclamant du parti CNL en commune Gashikano de la province Ngozi. Ils sont accusés de tenue de réunions illégales. L'administrateur communal en appelle au respect de la loi. Et le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes demande la mise en place d'un cadre juridique pour l'harmonisation et la simplification des procédures douanières. C'était ce mardi au terme d'une audience avec le ministre burundais des Finances. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Eric et Dorine Wimana qui assurait la mise en onde jeudi. Merci. Un très bon après-midi. À tous et à tous. Au revoir.